de moi, qui enivre moi, fatigué moi, bousillé gaye moi. Depuis ça moi qu'a flippé, il met sa moto en les moi. Tous les jours moi qu'a monté, mon allo crap pour moi bévoué. Et parlez by mes amis. Mon allo, mon allo, mon allo. Petit mon allo, il sacre combiné ça mes amis. Mon allo, mon allo, mon allo. Petit mon allo, il sacre combiné ça mes amis. Mes amis, chaque fois il voit moi dit la gazé. Il ka fait derrière case, il veut pas contre l'amour en moi. Il bise perdu ou bé, tête en moi. Mon allo, mon allo, mon allo. Petit mon allo, il sacre combiné ça mes amis. Mon allo, mon allo, mon allo. Petit mon allo, il sacre combiné ça mes amis. Mon allo, il s'en fait.